Chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une si grande foule s'assembla autour de lui qu'il monta dans une barque et s'y assit. La barque était sur le lac et la foule était à terre près de l'eau. Il utilisait des paraboles pour leur enseigner beaucoup de choses et il leur disait dans son enseignement: Écoutez, un homme sortit pour semer. Or, comme il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent et étouffèrent les bonnes pousses, de sorte qu'elles ne produisirent rien. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et donnèrent du fruit. Les unes produisirent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit, Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Quand Jésus fut loin de la foule, ceux qui se tenaient près de lui et les 12 disciples lui demandèrent d'expliquer les paraboles. Il leur répondit, Vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent toutes choses sous forme de paraboles, afin que ils puissent bien regarder mais sans vraiment voir, ils puissent bien entendre mais sans vraiment comprendre, sinon ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Puis Jésus leur dit, Vous ne comprenez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur sème la parole de Dieu. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe la parole. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive et arrache la parole semée au-dedans d'eux. De même, d'autres reçoivent la semence en des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, et ils ne s'y attachent qu'un instant. Quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils abandonnent immédiatement la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les soucis de la vie de ce monde, le plaisir trompeur de la richesse, et les autres sortes de désirs pénètrent en eux et étouffent la parole qui ne produit rien. D'autres hommes, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'acceptent et portent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Puis Jésus leur dit, Quelqu'un amène-t-il la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur le porte-lampe? Tout ce qui est caché sera rendu visible et tout ce qui est secret sera mis en pleine lumière. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Jésus leur dit encore, Faites attention à ce que vous entendez. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez vous-même. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Jésus dit encore, Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme répand de la semence dans son champ. Ensuite, il continue à dormir durant la nuit et à se lever chaque jour, et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte. D'abord la tige des plantes, puis l'épi vert, et enfin le grain bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Jésus dit encore, « À quoi pouvons-nous dire que le royaume de Dieu ressemble? Au moyen de quelle parabole allons-nous parler de lui? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. » Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes, Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Ainsi Jésus donnait à tous son enseignement au moyen de beaucoup de paraboles comme celle-ci. Il le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans employer de paraboles, mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques encore étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se met à souffler, les vagues se jettent dans la barque, de sorte que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillent alors et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait-il rien ?» Jésus se réveille, il parle sévèrement au vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi. » Alors le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore confiance en moi ?» Mais ils avaient très peur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui